Marcel est maintenant âgé de 56 ans, toujours célibataire, mais que c'est étonnant. Non, vous allez comprendre pourquoi et comment un homme comme lui est seul depuis si longtemps. Marcel habite le pavillon de sa maman, héritage familial juste avant l'enterrement. Il collectionne une foule de bibelots inutiles qu'il entasse et qu'il classe, je sais que c'est débile. Marcel a un pouvoir, celui de consommer. Il possède une télé, 300 chaînes à la clé, un lecteur DVD, des DVD par coffret, et surtout l'intégrale des gendarmes à Saint-Tropez. Marcel, ce bon français, ce franco-franchouillard, 20 baguettes et béret. Marcel, ce bon prolo, s'il n'était pas vrai, il serait rigolo. Marcel est très beau dans son débardeur blanc, taché de bolognaise. C'est vraiment séduisant. Son bermuda à poche juste au-dessus des genoux, ses grandes chaussettes montées dans ses sandales en caoutchouc. Marcel porte les jours de coupe du monde, son vieux maillot des bleus, boit des bières blondes. Il refait le monde devant sa télévision, entre deux émissions où tu peux gagner du pognon. Marcel, les jours d'été, porte ses Ray-Ban, le vieux modèle que mettait l'inspecteur Callahan. Seulement, Marcel n'est pas l'inspecteur Harry, c'est juste un contrôleur du lundi au samedi. Marcel, ce bon français, ce bon français, ce franco-franchouillard, 20 baguettes et béret. Marcel, ce bon prolo, s'il n'était pas vrai, il serait rigolo. Marcel a une passion, il aime chasser, vêtu de vert, il vise les volatiles affolés. Son truc à lui c'est le PMU et les troquets, accoudé au comptoir avec ses potes de l'armée. Marcel aime jouer aux boules le dimanche, avant il se défoule aux putes dans les camionnettes blanches. Il a de l'humour, as de la blague salace, sa carte du FN est près de son fusil de chasse. Marcel a renoncé à se marier, il y avait bien Georgette mais ça n'a pas marché. Accident de chasse, erreur sur le gibier, il y a eu de la casse, il a dû l'enterrer. Marcel, ce bon français, ce bon français, ce franco-franchouillard, 20 baguettes et béret. Marcel, ce bon prolo, s'il n'était pas vrai, il serait rigolo. Seulement Marcel existe et il n'est pas tout seul. Des types comme lui, il y en a des bagnoles. Le prolo est une espèce qui se propage. Il est peut-être là, chut, dans le voisinage.